Nous le tenons, le druide. Ah oui, c'est Crépus, et enfermons-le vite dans cette cave. Allez, viens ici. Allez, non, c'est vraiment la plus belle prise de la décade. Légionnaire, en route pour Petit Bonhomme, allez en avant. Allez, nous voici arrivés à Petit Bonhomme. Légionnaire, allez. Bravé, Caius Bonus, ton idée a été couronnée de laurier. Nous tenons le druide. Ça va très bien. Légionnaire Octopus et Légionnaire Gibus, voilà. Emmenez-moi ce vieillard dans ma tente. Oui. Après une petite séance de torture, il nous livrera son secret. Légionnaire Quintilius, Quintilius, arrive vite avec tes plumes d'aigle pour lui chatouiller les pieds. Oui. Pendant ce temps, dans le village gaulois... Bon, enfin, Astérix, tu vas pas partir à la recherche de notre druide dans cet état, voyons. Et pourquoi non ? Oh, il y a trop longtemps que t'as pas bu de potion magique. Mais ne t'en fais pas, mon bon Obélix. Je veux savoir ce qui est arrivé à notre ami Panoramix. Ouais. À chaque fois qu'il part dans la forêt, c'est curieux, mais je m'inquiète, moi. Allez, à tout à l'heure, Obélix. À tout à l'heure, Astérix. Aux abois, vive les Gaulois. Panoramix! Oh, druide! Et où est-il? Panoramix! Oh, c'est bizarre, personne ne répond! Oh, tiens, je suis au carrefour de la voie romaine nationale 5. Et voilà un marchand de paille sur son char! Marchand! Hé, hey, marchand! N'as-tu pas vu par hasard passer un druide dans les parages? Oh, mais voyons, mais... Arrête donc ton char! Oh là, oui. Un druide? Oui, un druide. J'en ai vu passer un, enfermé dans une cage, soutenu par des légionnaires et se dirigeant vers Petit Bonhomme. Oh, eh bien, marchand de paille, conduis-moi à Petit Bonhomme. Mais c'est pas mon chemin. Moi, je vais à Aquarium, au salon du char d'occasion. Oui, bah écoute, tu iras l'année prochaine. Allez, en route, l'ami, en route! Alors, allons-y si tu veux. Mes bœufs sont tout neufs. Eh ben, tu vois. Suivons le bœuf. Eh ben, nous y serons vite, allez. Je tâcherai de faire des affaires là-bas. Tiens, voici déjà les fortifications de Petit Bonhomme. Que transportes-tu dans ton char, maintenant? Je viens délivrer Panoramix, notre druide. Passage, s'il vous plaît. Quoi? Merci beaucoup. Oh, mais ne laisse pas sortir, légionnaire. Marché Opus, c'est un de ces redoutables Gaulois invincibles, gavé de potions magiques qui vient d'entrer là-dedans. Quoi? Vite les enfants, légionnaire. Légionnaire, en position de siège. En position de siège. Oui, lance en avant. Lance en avant. Dos courbé. Dos courbé. Tenez-vous prêt. On se tient prêt. Je vais lui parler, moi. Oh, ben oui. Allez. Alors, rends-toi, Gaulois. Sinon, je vais donner l'ordre à mes braves de passer à l'attaque. Oh, tu as bien parlé. Oui. Alors, il se rend, oui ou non? Ça m'énerve d'attendre. Oh, oh, attention. Attention, le voilà, ce maudit Gaulois. Attention. Je jette mon arme à tes pieds, centurion. Comme le fit notre chef Vercingétorix, à ton maître César. Bravo. Oh, les lâches. Mais voyons, je me rends. Alors, faites quelque chose, dépêchez-vous, j'ai pas de temps à perdre, moi. Faites quelque chose, quoi. Saisissez cet homme, pleutre, capon, froussard, ou je vous fais dévorer par les cirques du lion. Par les lions au cirque. Au cirque, oui. Par les lions. Bon, bah alors, on a mes amis, plongeons-lui dessus. Allez. Ah, maintenant qu'il est enchaîné comme un salami, catapultons-le dans la tente des tortures avec le vieux druide. Oh les brutes. Voici donc réunis tous les deux. Eh oui. Toi le druide, tu as rien voulu dire. Je suis sûr que toi le petit. Le quoi? Le petit. Attention. J'ai dit le petit. Mais bon. Je suis sûr que tu connais le secret de la potion magique. Moi? Pas du tout. Oh, pour la dernière fois, druide, donne-moi la recette de la potion ou alors je fais torturer ton ami. Torturer? Oui, parfaitement. Ça m'est égal, je ne crains pas la torture, Romain. Et moi, j'ai confiance dans le courage de mon ami Astérix. Merci. Ah, tu as confiance dans le... Nous allons voir ce que nous allons voir. Que l'on convoque le bourreau. C'est ça, le bourreau. Et attachez-moi ce Gaulois sur cette table. Allez, petit. Le petit dans le bourreau. Oui, le bourreau. Eh bien, me voilà. Je suis tout à fait pour ce genre de choses, oh Caius Bonus. Allez, légionnaire, attachez-le. Ouais, c'est ça, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, veux-tu te taire? Mais mes jambes, mon doigt, mon petit doigt. Non, pitié, non, j'en peux plus. Arrêtez, pour l'amour de toute la pitié. Arrête, au bourreau. Mais j'ai pas encore commencé mon travail. Ça fait rien. Alors, druide, j'attends. Sinon, il en cuira ton ami, hein. Je veux bien préparer la potion devant toi. Bon. Mais il me faut beaucoup d'ingrédients. Tu auras tout ce que tu voudras. Légionnaire, escortez le druide, si vous allez hors du camp. Hein. Oh, je garde l'autre, là, le petit, comme otage. Mais j'ai pas du tout l'intention de bouger d'ici. Ah. Apportez-moi une grande marmite. Grande marmite. Et envoyez du personnel cueillir du gui. Bon, alors vous avez compris, vous autres, là. Oui. Des racines aussi, hein. Ah. Et de la luzerne. Et de la salade. Oui, la salade, quelle salade? De la romaine. Oui, eh bien ça, c'est l'affaire de Sacapus. Hein. Alors, avec ces éléments de base, nous pourrons commencer dans quelques instants à allumer le feu. Voilà une petite selle, un soupçon de poivre, et laissons mijoter. Voilà, c'est prêt. Ah, bravo. Il n'y a plus qu'à servir, chaud. Allez, sortons la marmite de là. Allez, légionnaire, à l'aide. Allons. Donne. Et voilà. Mais au fait, qui me prouve par Jupiter que ce n'est pas du poison? Eh bien, si cela peut calmer tes craintes, Romain, donne-moi la louche, je boirai à ta place. Moi. Non. Si cette potion est vraie, tes forces décupleront et tu seras invincible. Eh bien, alors, bois-toi bon. Même. Non, je demande un volontaire. J'ai dit un volontaire. Sors somme corda, plutôt que de risquer la vie d'un légionnaire, Caius Bonus. Prenons plutôt un être inoffensif, le marchand de paille, par exemple. Voilà l'espèce même du pigeon. Oh, mais c'est une trouvaille grandissime. Oh, tu prendras vite du galon, toi. Merci. C'est une bonne idée, ça. Allez, amenez-moi l'homme. Eh, viens ici, toi. Là, fais-moi. Mais pourquoi m'amenez-vous là? Ave, mon ami. Je suis ravi de savoir que tu aimes venir un petit bonhomme. Eh bien, veux-tu goûter à notre compagnie un excellent breuvage? Non, merci, vraiment, sans passion, non. Je repars sur Babaorum dans la minute qui suit et... Mais tu vas goûter, hein, par Jupiter. Du potage dans l'après-midi. Eh oui, c'est le goûter. Enfin, allons-y. Allez. Hein? Mais qu'est-ce que vous avez tous à me regarder comme ça? Rien. Marchand de paille, après avoir bu cette potion, tu seras l'homme le plus fort du monde. C'est encore une farce. Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Allez, marchand de paille, frappe quelqu'un. Allez, venez vous autres, vous faire frapper. Un volontaire pour un coup de poing, alors. Non, je ne suis pas entré avec personne, moi. J'aimerais quand même un peu plus d'enthousiasme quand je demande un volontaire, non? Eh bien, moi, je suis volontaire. Bien. Allez, frappe, marchand. Bon. Mais alors, je frappe un petit coup, hein. Bon, allez, vas-y. Bon. Il t'a fait mal. Oh, le ciel m'est presque tombé sur la tête. Bon, eh ben, puisqu'on n'a plus besoin de moi, je m'en vais à Babaorum vendre mes bœufs, hein. Je reviendrai vous voir dans deux décades. C'est très bon. Légionnaire, buvez après moi, hein. Vous pouvez boire sans hésiter de cette potion magique. Je commence. La route de Rome nous est ouverte maintenant. À toi, Sacapus. Merci. Et toi, le druide, consigne par écrit la recette de cette potion, hein. Car une fois que je l'aurai par écrit, je m'en débarrasserai de vous, Gaulois de malheur. Et ce sera, tu entends, Sacapus, ce sera pour eux une leçon. Près le menton. Bon, allons maintenant mesurer notre force, Sacapus. Bene. Ah oui, nous devons commencer à être invincibles, hein. Allez, soulevons un peu cette roche. C'est ça. Bah, toi, Caius Bonus, viens m'aider, quoi. Attends. Oh, Is. Oh, oh, oh. Ah, ben rien à faire. Mais non, eh. Je crois que nous avons vu trop grand. Hein. Oui, je... Attends, on va essayer ce caillou-là. Hein. Allons-y. Ben... ça y est, je suis un surhomme. Je le tiens à bout de bras. Mais oui, mais oh, caillou bonus. Eh. Ce caillou ne pèse pas plus lourd que mon casque. Tiens, ah oui, celui-là, là. Mais c'est vrai, ça. Aïe! Oh, mon pied! Oh là là! Oh, mais dites, attrapez-moi ces Gaulois! Oh, mais attrapez-moi ces Gaulois, là, hein! Oui, oh, mais ils m'ont trompé, ces Gaulois de malheur! Attrapez-moi ces Gaulois! Allez, pourquoi nous attraper? Comment? Puisque nous te suivons pour constater les effets de la potion. Mais ce n'est pas une potion magique, ça! Oh, que si! Comment que si? Par Jupiter, c'est épouvantable! J'ai des démangeaisons sur tout le visage! Aïe, aïe, aïe! Des curions, avant de venir me trouver! Mais pour quoi que ce soit, je te donne l'ordre d'apparaître rasé! Voilà, ça me démange là! Un bon légionnaire se doit toujours d'être glabre! Peut-être, centurion, mais. Oh, il y a ce que ça gratte! Mais un bon centurion, ça doit te donner l'exemple! Et toi, tu es barbu comme un mongol! Mais par Jupiter, que nous arrive-t-il? La barbe vous pousse aussi, légionnaire? Oui, la barbe et les cheveux! C'est à une vitesse terrifiante. Ah oui, c'est... Druide, quel est donc ce prodige? C'est une vieille recette de lotion capillaire. Oui, ça. Extrêmement puissante. Et ça se voit. Et vos barbes et vos cheveux vont pousser sans arrêt à très grande vitesse. Ah ben voilà autre chose. Misérable Gaulois, si vous ne me donnez pas du contrepoison, je vais vous tuer. Attention, si tu nous tues, tu n'auras pas de contrepoison. D'ailleurs, bonheur ami, c'est moi, nous nous sentons ce soir un peu fatigués. Nous allons nous retirer sous notre tente. Non, pas. D'accord, mais ne prends plus un rembrousse-poil, mon camarade et moi. Je m'avoue vaincu, je vous rends la liberté si vous me donnez du contrepoison. À vrai dire. Je n'ai plus envie de travailler. Non, il a un poil dans la main. Et un cheveu sur la langue. Exceptionnellement, je vais vous aider. Ah, bravo. Il faudra encore aller chercher quelques ingrédients en forêt. Oh, par ma barbe naissante, vous aurez une escorte. Et dès que j'aurai absorbé ce contrepoison, vous supprimerez Gaulois de malheur. Panoramix prépare sous la tente la mystérieuse potion magique sous le regard étonné d'Astérix. Et pour cause. Vois-tu Astérix, oui, dans cette petite marmite, j'ai préparé de la potion magique. Parfait. Car j'ai l'impression que nous aurons besoin de muscles pour sortir d'ici. Ah, oh, c'est vrai alors. Et là. Dans cette grande marmite, je prépare le contrepoison. Tu veux la recette? Et si tu veux. Bon os à moelle. Oui, bon. Et puis des légumes. Du sel. Du sel, d'accord. Un bouquet d'herbes. Un bouquet, dis donc, c'est un pot-au-feu que tu me fais là en ce moment. Et comme nous devons y goûter le grand romain, autant que mon bon papa. Ah ben c'était ça, bon, parfait, très bien. Oui. Maintenant, Astérix, bois ta potion magique. Entendez, mon bon panoramix, c'est... Je suis en pleine forme. Et voilà. Maintenant, Romain, à la soupe. Allez, à la soupe. Et Panoramix, aide-moi à sortir la marmite de là. Allez. C'est prêt. Bon, alors, Gaulois, pas d'affolement, hein. Gaulois, goûtez les premiers. Ah, bravo, la confiance règne. Hein? C'est pas mauvais du tout, mais je crois qu'avec des croutons, ce serait meilleur. Ah. À votre tour, maintenant, Romain. Oh, mais qui me prouve que cette potion empêche la croissance des cheveux, hein? Tu es rusé, hein, Romain? Eh bien, regarde mes moustaches, tu verras qu'elles ne poussent plus. Oh, Jupiter, mais c'est vrai. Alors, je vais compter. Bon, eh allez, à vous, à vous, légionnaire, goûtez. Et maintenant, attrapez-moi ces Gaulois, légionnaire, attrapez-les-moi. Alors, avec joie, avec joie. Attends un peu, ce capuchon, je t'attrape. Je me tiens, tu te tiens par la barbichette. Et, ça, la barbichette. Et on se tient tous les deux. Et moi, je vais te faire tourner comme une toupie. Lâchez-moi. Maman, au secours, ils vont m'envoyer dans la lune. Où vais-je atterrir? Au milieu de la gorge. Allez, maintenant, panoramique, c'est filon. C'est cependant bien dommage, parce que je commençais à m'amuser, moi. Moi aussi. Bah, des rétros ne passent pas. Oh, quel dommage. Et voilà, un de plus de calmé. Mais partout à tous. Mais que vois-je? Des tas de Romains? Oh. Il en vient également par là. Mais oui, ça nous encercle. Ah ah, mes gaillards, on se retrouve, hein? Voici des renforts qui arrivent à point nommé. Eh bien, cette fois, je vais vous faire embrocher. Oh, Caius Bonus, tu es attendu dans ta tente d'urgence. L'urgence, c'est ta fête. Tiens, c'est bizarre, ça. Bon, j'y vais, hein. Ah, mais par Jupiter, mais qui est-ce donc traîner son manteau chez moi? Oh. Tu rendras à César ce qui lui appartient. Oh, par Jupiter. Jules César. Eh oui, je suis venu pour voir où tu en étais avec ces irréductibles Gaulois. Ah. Mais quelle est donc cette agitation? Ben... Je n'ai pas été reçu avec les honneurs dus à mon rang. C'était que, justement, nous étions en train de lutter avec eux. Et combien sont-ils? Eh bien, ils sont deux. Par Cléopâtre, montre-moi ce redoutable duo capable de tenir tête à toute une garnison. Mais nous voilà, Jules. Explique-moi ce qui se passe ici. Eh bien, mon cher Jules, Caius Bonus était fort impatient de se procurer la recette d'une de nos potions magiques, qui l'aurait rendu invincible. Et qui lui aurait ouvert la route vers le trône impérial. Tiens, je vais tout vous expliquer. Inutile. Tu vas aller te raser, centurion. Me raser, oui. Tu n'es qu'un infâme conspirateur. Très bien. Non. Dans un quart de cadran solaire, tu vas partir avec tes hommes vers la Mongolie extérieure. À la Mongolie? Il y a là-bas des barbares qui s'agitent. Ah. Et je vais mettre en place des troupes fraîches ici. Fraîches. Quant à vous, Gaulois, en échange de ce service rendu à César, je vous rends la liberté. Merci, Jules. Une liberté d'ailleurs toute provisoire. Car j'ai bien l'impression que nous nous retrouverons. Mais j'y compte bien, Jules. Allons. Rentrons au village. Oui. Tout le monde doit nous attendre. Tout est bien qui finit bien, comme dans toutes les histoires d'ailleurs. Durant toute la nuit, sous le ciel étoilé et la lune brillante, le village gaulois fêta nos héros vainqueurs des terribles Romains, grâce à la ruse, à la magie. Et à la protection des dieux. Chers petits amis, je vais vous lire l'histoire de Blanche-Neige et les sept nains. Il y avait une fois une reine très belle qui brodait à sa fenêtre. Comme je serais heureuse si j'avais une petite fille, pensait-elle. Tout en rêvant, elle se piqua le doigt avec l'aiguille et trois gouttes de sang tombèrent sur la fine toile d'une blancheur de neige. Qu'elle serait jolie, ma petite fille, si elle avait des lèvres rouges comme le sang, une peau blanche comme la neige et des cheveux noirs comme l'ébène, dit-elle. Quelque temps plus tard, son vœu est exaucé. Elle a une petite fille qui comble tous ses souhaits. Aussi décide-t-elle de l'appeler Blanche-Neige. Cependant, la reine très malade meurt lorsque Blanche-Neige est encore une toute petite fille. Et le roi, son père, rempli de douleur, vit solitaire et triste pendant de longues années. Néanmoins, le roi se remarie. Et tout le royaume se réjouit de la bonne nouvelle. La nouvelle reine est très belle, mais, hélas, son cœur est dur et cruel. Elle est également orgueilleuse et passe des heures entières à se vêtir somptueusement, à brosser ses cheveux noirs, puis à s'admirer devant son miroir. Elle est tellement orgueilleuse qu'elle désire être toujours la plus belle femme du royaume. Parmi ses joyaux les plus précieux, la souveraine possède un miroir magique. Oh, miroir, gentil miroir, dis-moi qui est la plus belle. Si le miroir assure que c'est elle, la reine est de bonne humeur et tout va bien. Mais il arrive quelquefois qu'il désigne une autre personne. Alors, elle entre dans une colère terrible et donne des ordres pour faire disparaître sa rivale. Pendant ce temps, Blanche-Neige grandit et embellit de jour en jour, et sa gentillesse lui gagne l'affection de tous, sauf celle de la reine, qui est très jalouse. En effet, elle ne peut plus supporter de voir la jolie princesse, et la relègue parmi les servantes. Blanche-Neige quitte donc ses beaux vêtements, et porte des haillons comme les autres servantes, et comme elle, est contrainte aux tâches les plus dures. Comme une esclave, elle travaille du matin au soir, nettoyant les planchers du palais, lavant la vaisselle, cousant et reprisant les habits de la reine. Mais, tout en travaillant, Blanche-Neige chante, et tous les oiseaux arrivent à tire d'elle pour entendre sa jolie voix. « Elle va bientôt devenir laide, » pense la méchante reine. « D'ailleurs, qui peut la trouver jolie dans ses haillons, et avec des mains rendues rugueuses par le travail ?» Néanmoins, la reine va chaque jour vers son miroir et lui pose la même question. « Oh, miroir, gentil miroir, dis-moi qui est la plus belle. » La méchante et orgueilleuse reine craint encore qu'un jour Blanche-Neige soit la plus belle du royaume. Tout en travaillant, Blanche-Neige rêve d'un prince charmant qui viendra un jour la chercher pour l'emmener dans son château, par-delà les nuages. Cependant, la reine est de plus en plus jalouse de Blanche-Neige, dont la beauté augmente de jour en jour. En effet, on ne se lasse pas d'admirer la beauté de Blanche-Neige. Enfin, arrive le moment tant redouté de la reine. Oh, miroir, gentil miroir, dis-moi qui est la plus belle, demande-t-elle. Et le miroir répond. Ses lèvres sont rouges comme le sang, ses cheveux noirs comme la nuit, son teint est blanc comme la neige, elle se nomme Blanche-Neige. Furieuse, la reine fait mander son serviteur et lui dit « Conduis la princesse dans la forêt et rapporte-moi son cœur dans ce coffret. » Le serviteur consterné s'incline, il n'a pas le choix et doit obéir aux ordres de la reine. Le lendemain, Blanche-Neige et le serviteur s'en vont dans la forêt. La princesse ignore le sort qui l'attend et avance en gambadant auprès du serviteur, s'arrêtant ici et là pour ramasser des violettes ou chanter une joyeuse chanson. Mais devant un tel spectacle, le serviteur désespéré se jette aux genoux de la princesse et lui dit « Princesse, je ne puis vous tuer, bien que ce soit un ordre de la reine. Fuyez au plus profond de la forêt et ne revenez jamais au château. » Seule, dans la forêt, Blanche-Neige tremble de frayeur, mais bientôt découvre autour d'elle tout le petit monde des bois, ses amis les bêtes, et dans un concert de gazouillis et de pépiments, elles la conduisent vers une nouvelle maison. Les animaux lui montrent une petite maison ravissante cachée dans les bois. Jetant un coup d'œil à l'intérieur, Blanche-Neige ne voit personne, mais découvre une pièce tout en désordre. L'évier rempli d'assiettes qui semble n'avoir jamais été lavé et tout est recouvert d'une épaisse couche de poussière. Sans doute, les enfants qui vivent là ont besoin de quelqu'un pour s'occuper d'eux, dit Blanche-Neige. Voyons, nettoyons leur maison. Elle entre alors dans la maison suivie de tous ses amis et, avec leur aide, la nettoie rapidement. Puis, elle grimpe les escaliers et, fatiguée, s'étend sur les petits lits et s'endort. Tandis qu'elle sommeille, les sept petits hommes qui habitent la maison reviennent de leur travail en chantant. Ces petits hommes sont les sept nains, et lorsqu'ils pénètrent dans leur maison, ils s'aperçoivent que quelque chose a changé. Tout est propre. Les sept nains grimpent rapidement les escaliers et découvrent Blanche-Neige qui vient juste d'ouvrir les yeux. « Oh !» s'écrie-t-elle. « Je sais qui vous êtes. » Elle a en effet lu leur nom inscrit au pied de leur lit. « Vous êtes Hatchoum, joyeux, timide, grincheux, dormeur, prof et simplet. » Blanche-Neige raconte ensuite le complot de la méchante reine et tous insistent pour qu'elle reste avec eux. « Le dîner n'est pas tout à fait prêt, » poursuit-elle, heureuse d'avoir trouvé une maison. « Vous avez juste le temps de faire votre toilette. »« Nous laver ? s'écrient les petits hommes. Ils ont même oublié la signification de ce mot, mais ils n'osent refuser à Blanche-Neige. Même Grincheux prend un bain. Les sept nains ont de plus en plus d'affection pour Blanche-Neige, qui est toujours agréable et gaie. Le lendemain matin, au lieu d'aller travailler à la mine, les sept nains décident de confectionner un lit magnifique pour Blanche-Neige. Mais ils ne travailleraient pas si joyeusement s'ils savaient ce qui se passe dans la forêt. La méchante reine sait que Blanche-Neige est en vie. Alors elle se déguise en vieille femme et se dirige vers la maison avec une pomme empoisonnée destinée à la jeune fille. Quand les nains sont partis ce matin, ils lui ont bien recommandé de rester dans la maison. « Prenez bien garde aux étrangers !» dit Grincheux au moment où Blanche-Neige lui dit au revoir en l'embrassant. Et Blanche-Neige promet d'être prudente. Un peu plus tard dans la journée, une vieille femme frappe à la porte. Hélas, Blanche-Neige ne peut résister à l'envie de croquer la magnifique pomme que lui offre cette femme. Elle tombe aussitôt sur le plancher. La méchante reine part précipitamment et, dans sa fuite, glisse au fond d'un précipice, disparaissant pour toujours. Mais cela ne rend pas la vie à Blanche-Neige. Les nains, plongés dans la douleur, fabriquent une couche d'or et de cristal sur laquelle ils déposent leur ami, et nuit et jour, ils la veillent. Un jour, cependant, un prince magnifique pénètre dans la forêt et découvre Blanche-Neige. Charmé par sa beauté, il lui donne un baiser. Au même instant, Blanche-Neige ouvre les yeux. Les sept nains dansent alors fous de joie et le prince l'emporte dans son château par-delà les nuages. Ici s'achève l'histoire de Blanche-Neige et les sept nains. Et maintenant, nous allons écouter des chansons du film de Walt Disney. Hi-ho, hi-ho, pour chasser les ennuis, tout au long des jours et des nuits. Hi-ho, hi-ho, hi-ho, hi-ho, hi-ho, pour faire un bon travail, dans la mine ou bien sur le rail. Hi-ho, hi-ho, hi-ho, hi-ho, pour chasser les ennuis, tout au long des jours et des nuits. Hi-ho, hi-ho, hi-ho, hi-ho, hi-ho, pour faire un bon travail, dans la mine ou bien sur le rail. Hi-ho, hi-ho. Sifflez en travaillant, c'est un bon stimulant qui vous rend le cœur plus vaillant. Sifflez un air joyeux, vous vous sentirez mieux, vous serez bien plus courageux pour chasser les soucis, les tracas, les ennuis et voir tout sous un jour brillant. Suivez ce remède excellent, sifflez en travaillant. Vivre heureux, toujours content, sifflez en travaillant. Sifflez en travaillant. La la la la la la la. Pour vivre heureux, toujours content, sifflez en travaillant. Sifflez en travaillant. Autrefois, dans un lointain pays d'Orient, vivaient deux frères, nommés Cassim et Ali Baba. Cassim avait épousé une femme riche. C'était un marchand prospère. Mais Ali Baba avait épousé une femme pauvre. Il arrivait juste à gagner de quoi vivre en coupant du bois pour le vendre. Un jour qu'Ali Baba traversait la forêt pour rentrer chez lui, il entendit galoper des chevaux. Craignant qu'ils fussent montés par des voleurs, il grimpa bien vite en haut d'un arbre. Imaginez son étonnement lorsqu'il vit les cavaliers s'arrêter sous les branches près d'un immense rocher. Ils étaient 40 qui brandissaient leurs armes d'un air féroce et chevauchaient des montures chargées de trésors. L'un d'eux, que son aspect terrible désignait comme le chef, dit à haute voix « Sésame, ouvre-toi !» Le rocher pivota, démasquant l'entrée d'une caverne. Les 40 hommes y entrèrent à cheval et le rocher se referma derrière eux. Dès que les cavaliers furent repartis, Ali Baba descendit de son arbre et dit avec hardiesse « Sésame, ouvre-toi !» Le rocher se déplaça et il entra dans la caverne. Jamais le pauvre bûcheron n'avait vu de telles richesses. D'énormes jarres remplies de joyaux, d'innombrables pièces d'or éparpillées sur le sol, des tapisseries sur les murs et des soieries somptueuses étalées sur les rochers. Ali Baba saisit un carré de soie et le remplit de pièces d'or. Puis il dit « Sésame, ouvre-toi !» Il sortit de la caverne et reprit le chemin de la maison. Sa femme fut si heureuse à la vue de ce trésor qu'elle voulut en faire immédiatement le compte. « Non, femme !» Aide-moi plutôt à le cacher. Si les voleurs nous découvrent, ils nous tueront. L'épouse courut pourtant emprunter une mesure à sa voisine, la femme de Cassim. Elle la lui rendit ensuite, oubliant étourdiment une pièce d'or au fond. La femme de Cassim alla réveiller son mari. « Votre frère, le bûcheron, est si pauvre qu'il a besoin d'une mesure pour connaître sa fortune. » Aussitôt le marchand courut chez son frère, qui lui raconta l'histoire de la caverne et des voleurs. Cassim décida « Je vais aller visiter la caverne moi-même sur le champ. » Il partit en emmenant Dizam. Arrivé à la caverne, « Sésame, ouvre-toi !» Le rocher pivota, il entra, puis chargea ses bêtes d'or, de joyaux, de tapis et de soieries. Mais hélas, lorsqu'il voulut ressortir, il s'aperçut qu'il avait oublié le mot magique. Ouvre, avoine. Ouvre, maïs. Ouvre, blé. Peine perdue. Le rocher ne bougea pas. Les 40 voleurs arrivèrent peu de temps après et virent les 10 ânes de Cassim. Au comble de la colère, ils fouillèrent la caverne et ne tardèrent pas à trouver le marchand qui tremblait de peur derrière une jarre pleine d'or. Ils le coupèrent en 4 morceaux et repartirent furieux de savoir leur secret découvert. Voyant que Cassim ne revenait pas, Ali Baba partit à sa recherche. Il trouva son corps coupé en 4 morceaux qu'il emporta tristement chez lui. Nous devons prétendre qu'il est mort de maladie. Sinon, les voleurs nous trouveront et ils nous tueront, nous aussi. Or, Ali Baba avait une esclave nommée Morgiane, aussi ingénieuse que belle. Elle alla chercher un savetier pour recoudre le corps et lui banda les yeux afin qu'il lui fût impossible de se rappeler la maison où on l'emmenait Une fois le cadavre recousu, on l'enterra comme on l'aurait enterré si le marchand était mort de maladie. Puis Ali Baba s'en fut vivre dans la belle maison de Cassim et devint à son tour un riche marchand. Lorsque les voleurs virent que le corps avait disparu, ils comprirent que plusieurs personnes connaissaient le secret de la caverne. Leur chef envoya un de ses hommes en ville et par hasard, celui-ci entra dans la boutique du savetier. Le voleur regarda travailler l'artisan. Comme vous avez la main sûre. Ah, il le faut bien dans mon métier. Ah, si vous aviez vu le travail que j'ai fait l'autre jour. Et il raconta au visiteur comment il avait recousu les morceaux du corps de Cassim. Le voleur lui donna une pièce d'or. Montre-moi la maison. Lorsqu'il eut les yeux bandés, le saptier retrouva le chemin de la demeure de Cassim que le voleur marqua d'une croix blanche à la craie. Quand Morgiane sortit le lendemain, elle marqua de cette façon toutes les maisons du voisinage. Le jour suivant, elle vit une marque rouge et fit de même. Par malheur, le surlendemain, le chef des voleurs se fit conduire en personne devant la maison. Il compta les portes de la rue et se rappela la maison d'Ali Baba sans faire aucune marque. Quelques jours plus tard, il s'en fit voir Ali Baba et lui dit « Je désire passer la nuit chez vous. Si vous y consentez, je vous paierai fort cher. Voyez, j'ai ici 40 jarres d'huile d'olive pour vous dédommager. » Il ouvrit une jarre qui contenait en effet de l'huile de la meilleure qualité. Ali Baba l'invita donc, car il ne l'avait point reconnu. Cependant, Morgiane s'aperçut qu'elle n'avait plus d'huile. Elle alla dans la cour et souleva le couvercle d'une jarre. Elle faillit tomber à la renverse en entendant une grosse voix demander « Est-ce qu'il est temps de sortir ?» Devinant ce qui se passait, elle chuchota « Pas encore !» et passa à la jarre suivante. Comme elle s'y attendait, dans toutes les jarres, sauf une, se cachait un voleur. Elle prit alors de l'huile et la fit bouillir. Quand elle fut brûlante, elle en versa dans toutes les jarres jusqu'à ce que tous les voleurs fussent ébouillantés. Lorsque la maison fut devenue silencieuse, le chef des voleurs jeta des cailloux sur les jarres pour en faire sortir ses hommes. Aucun n'apparut. Il découvrit alors ce qui s'était passé et, ivre de colère, s'enfuit dans la nuit. Il conçut bientôt un autre plan. Il se lia d'amitié avec le fils d'Ali Baba qu'il invita chez son père. Cette fois encore, Ali Baba ne le reconnut point. Mais Morgiane le vit. Elle demanda la permission de danser pour l'hôte de son maître, car elle était ingénieuse et belle et dansait à ravir. Enveloppée de voile, elle dansa, un poignard dans chaque main. Lorsqu'elle eut fini de danser, comme les hommes restaient muets en admiration devant sa beauté et sa grâce, elle plongea un poignard dans le cœur du misérable. Ali Baba fut frappé d'horreur, mais Morgiane lui révéla qui était en réalité son hôte. Et il l'embrassa. Que puis-je faire pour te remercier? Plusieurs fois déjà, tu nous as sauvé la vie. L'esclave répondit que son désir le plus cher était d'épouser le fils du maître. C'est ainsi que, peu de temps après, de grandes fêtes eurent lieu pour célébrer le mariage de l'esclave Morgiane et du fils d'Ali Baba, riche marchand de l'ancienne Perse. C'était une fois une petite fille de village, la plus jolie qu'on eût pu voir. Sa mère en était folle, et sa grand-mère plus folle encore. Cette bonne femme lui fit faire un petit chaperon rouge, qui lui seyait si bien que partout on l'appelait le petit chaperon rouge. Un jour, sa mère, ayant cuit des galettes, lui dit « Va voir comment se porte ta grand-mère, car elle est malade. Porte-lui une galette et ce petit pot de beurre. » Le petit chaperon rouge partit aussitôt pour aller chez sa grand-mère, qui demeurait dans un autre village. En passant dans le bois, elle rencontra le loup qui lui demanda où elle allait. « Je vais voir ma grand-mère et lui porter une galette avec un petit pot de beurre que ma mère lui envoie. » Demeure-t-elle bien loin ? « Oh oui, c'est par-delà le moulin, à la première maison du village. » Eh bien, je veux aller la voir aussi. Je m'en vais par ce chemin-ci et toi par ce chemin-là. Et nous verrons qui sera le plus tôt. Le loup se mit à courir de toute sa force par le chemin qui était le plus court. Et la petite fille, elle, s'en alla par le chemin le plus long. Le loup ne fut pas longtemps à arriver à la maison de la grand-mère. Qui est là ? Dit la grand-mère. C'est votre fille, le petit chaperon rouge. Mentit le loup en changeant sa voix. Qui vous apporte une galette et un pot de beurre que ma mère vous envoie. La bonne mère grand qui était couchée lui cria. Tire la chevillette et la bobinette, cher rat. Le loup tira la chevillette et la porte s'ouvrit. Il se jeta sur la bonne femme et la dévora en moins de rien, car il y avait plus de 3 jours qu'il n'avait pas mangé. Ensuite, il ferma la porte et alla se coucher dans le lit de la grand-mère, en attendant le petit chaperon rouge qui, quelque temps après, vint heurter à la porte. Qui est là ? C'est votre fille, le petit chaperon rouge, qui vous apporte une galette et un petit pot de beurre que ma mère vous envoie. Eh bien, tire la chevillette, la bobinette, cher rat ! Le petit chaperon rouge tira la chevillette et la porte s'ouvrit. « Mets la galette et le petit pot de beurre sur la huche et viens te coucher avec moi. »« Oh, ma mère grand, que vous avez de grands bras. »« C'est pour mieux t'embrasser, mon enfant. »« Ma mère grand, que vous avez de grandes dents. »« C'est pour te manger. » Et en disant ces mots, ce méchant loup se jeta sur le petit chaperon rouge pour le dévorer. La petite fille poussa alors des cris si affreux et se débattit avec tant d'effroi que des bûcherons qui passaient justement sur la route accoururent, défoncèrent la porte et à coups de hache abattirent le loup. Et toute tremblante, le petit chaperon rouge reprit le chemin du retour en jurant bien qu'il obéirait toujours à sa maman et qu'elle n'écouterait plus jamais les propos menteurs des loups. Des poupées.